coup de théâtre. Scène première. Madame Lepic. Où vas-tu ? Poil de carotte. Il a mis sa cravate neuve et craché sur ses souliers à les noyer. Je vais me promener avec papa. Je te défends d'y aller, tu m'entends ? Sans ça ! Sa main droite recule comme pour prendre son élan. Poil de carotte, bah, compris. Scène 2. Poil de carotte en méditation près de l'horloge. Qu'est-ce que je veux, moi ? Éviter les calottes. Papa m'en donne moins que maman. J'ai fait le calcul. Tant pire pour lui. Scène 3. Monsieur Lepic. Il chérit Poil de carotte, mais ne s'en occupe jamais. Toujours courant la prétentaine pour affaire. Allons, partons. Non, mon papa. Comment non? Tu ne veux pas venir? Oh si, mais je ne peux pas. Explique-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Mais je reste. Ah oui, encore une de tes lubies. Quel petit animal tu fais. On ne sait par quelle oreille te prendre. Tu veux, tu ne veux plus. Reste, mon ami, et pleurniche à ton aise. Scène 4. Madame Lepic, elle a toujours la précaution d'écouter aux portes pour mieux entendre. Pauvre chérie. Cajoleuse, elle lui passe la main dans les cheveux et les tire. Le voilà tout en larmes parce que son père, elle regarde en dessous Monsieur Lepic, voudrait l'emmener malgré lui. Ce n'est pas ta mère qui te tourmenterait avec cette cruauté. Les Lepic, père et mère, se tournent le dos. Scène 5. Poil de carotte au fond d'un placard. Dans sa bouche, deux doigts, dans son nez, un seul. Tout le monde ne peut pas être orphelin.